Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la guerre scolaire, ce feu qui couve depuis 200 ans et qui, comme un volcan jamais éteint, se réveille périodiquement. Écoles publiques et écoles privées se testent, se jaugent, se défient depuis deux siècles. Arrive le 10 mai 1981. La gauche, forte de sa victoire, croit qu'elle peut changer la donne. Pour les enseignants du public, véritable bastion alors de l'électorat socialiste et communiste, et pour les députés socialistes, ces fameux profs barbus qui sont en si grand nombre à l'Assemblée nationale sous le premier septennat de Mitterrand, le moment est venu. En digne héritière de l'école publique et gratuite de Jules Ferry, la gauche laïque veut un service public de l'éducation plus fort. Et à défaut de pouvoir changer le monde, la gauche veut au moins changer l'école. Mais s'il y a bien un dossier explosif qu'un gouvernement doit manier avec des précautions d'artificier, c'est bien celui qui oppose défenseurs de l'école privée et défenseurs de l'école publique. À partir de 1982, Alain Savary, le ministre de l'Éducation du gouvernement Mauroy, a beau négocier avec une infinie prudence, et ce pendant deux ans et demi, il ne réussit pas à concilier les contraires. Son projet de loi, pourtant pas franchement révolutionnaire, est perçu par les partisans de l'école catholique comme une déclaration de guerre. La longue marche du fameux projet de loi Savary se termine pour le gouvernement par une défaite en rase campagne. En décidant de réformer l'école privée, François Mitterrand avait déclaré à son vieux compagnon socialiste Alain Savary « C'est une mission impossible, c'est pourquoi je vous l'ai confiée ». On reconnaît la signature du prince de la politique. Alors, comment cette mission est-elle devenue impossible? Et pourquoi la gauche a-t-elle été incapable de faire passer ses idées? Quelles maladresses, quelles erreurs ont été commises? C'est sur cette guerre scolaire, cette cuisante défaite de la gauche que nous allons revenir aujourd'hui en compagnie de Thierry Pfister en duplex de Perpignan. Journaliste au Monde dans les années 70, puis au Nouvel Obs, Thierry Pfister a rejoint l'équipe de Pierre Mauroy à Matignon en 1981. Comme conseiller du Premier ministre, il a été pendant trois ans aux premières loges de cette guerre scolaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Thierry Leclerc, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupouyenne-Quin et Ida Bory. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Thierry Dupin. Réalisation, Christophe Imbert, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvallet. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Dimanche 24 juin 1984, Paris s'apprête à vivre l'une des plus grandes manifs de son histoire. Des centaines de cars sont montés à Paris. De l'Ouest, de l'Est, de toutes les régions de France et par familles entières, la France catholique est en marche. Elle a déjà défilé à Versailles trois mois plus tôt comme une répétition générale, mais cette fois, c'est le grand jour. Depuis la révolution de 1789, la capitale a l'habitude de voir défiler des centaines de milliers de personnes dans ses rues. Le plus souvent, c'est la gauche qui s'approprie le pavé parisien de République à Bastille et de Bastille à Nation. Mais en ce dimanche 24 juin, les manifestants ont un petit quelque chose de différent. Ils sont calmes, sagement habillés, très organisés, comme en témoigne une reporter de France Inter. Les foulards verts s'agitent par milliers, spectacle d'autant plus étonnant avec l'effet de masse. Cela n'arrêtera pas de l'après-midi dans une ambiance bon enfant, nettement plus populaire qu'à Versailles. Les écoles succèdent aux écoles, les régions aux régions, les politiques disparaissent dans la foule. La musique elle-même se met de la partie, Carmen succède à Nabucco, ce qui donne tout de même un autre rythme à la manifestation. Et toujours la même discipline. Ce qui frappe tous les observateurs, même rompus aux manifestations en tout genre, c'est l'extraordinaire efficacité de l'organisation. La foule est canalisée tranquillement vers les gares et les stations de métro. Vous êtes passé déjà à plus de 1 500 000 à la Bastille. Paris continue d'être bloqué. Cette sacrée république, qui dit oui, qui dit non. Plus Plusieurs cortèges convergent vers la place de la Bastille. Dans les rangs des manifestants, on voit des curés, des sœurs, des évêques, Jean-Marie Lustiger, l'archevêque de Paris, et le gratin de la famille politique de droite, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil, Jacques Chirac, et aussi, à l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Des people ont rejoint le cortège, comme Michel Sardou, qui a sorti une semaine plus tôt sa chanson « Les deux écoles ». Au moins, les choses sont claires, les lignes de fracture limpides. L'Église catholique et la droite sont bel et bien des compagnons de route historiques. La foule des manifestants scande « Savary t'es foutu, l'école libre est dans la rue. L'école libre, c'est la liberté. » Environ 1 million de personnes, 2 millions selon les organisateurs, défilent ainsi jusque tard dans la soirée. Le 24 juin 1984, la droite a pris la Bastille. Pour comprendre cette énorme mobilisation, ce rouleau compresseur qui va écraser la gauche, il faut revenir quelques années en arrière, en mars 1981. Nous sommes alors en campagne présidentielle et le candidat François Mitterrand s'exprime sur l'école lors d'un colloque du Parti Socialiste. À la tribune, il fait une promesse. Un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale sera mis en place. Mis en place, négocié, sans spoliation ni monopole. Les contrats d'association et d'établissements privés conclus par les municipalités seront respectés et des conseils de gestion démocratique seront créés à tous les niveaux. Un grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale. Qui est le père de cette formule ? À vrai dire, cette idée en surprend plus d'un, y compris dans les rangs socialistes. L'étonnement est grand, même chez les responsables du secteur éducation au PS. En fait, c'est dans l'entourage restreint du candidat autour de Jacques Attali que l'idée a pris forme. L'expression est très mitterrandienne et donc très florentine. Pour les laïcs, le service public unifié peut signifier nationalisation. Mais François Mitterrand a bien pris garde de ne pas prononcer le mot. Il sait que le secteur de l'école est miné. Dans une lettre du 1er mai 1981, le candidat prend soin d'ajouter « J'entends convaincre et non contraindre ». En janvier 82, 6 mois après la victoire de la gauche, Alain Savary, le nouveau ministre de l'Éducation, entame donc des discussions. Cet ancien de la SFIO, qui a participé à la création du Parti Socialiste, n'a pas la réputation d'être un bout de feu. Il a plutôt une âme de négociateur. Et, en vieux routier, il sait que la politique, c'est l'art du compromis. Personne ne sait encore quelle proposition le ministre va sortir du chapeau. Mais sentant venir un vent mauvais, la droite mobilise déjà ses troupes. Le 24 avril, des dizaines de milliers de partisans de l'école privée, qu'ils appellent l'école libre, comme si l'école publique était le contraire de la liberté, se rassemblent à Pantin entre kermesse et meeting politique. Ils étaient plus de 100 000 hier, porte de Pantin à Paris, tous venus défendre l'enseignement libre, autrement dit l'enseignement privé. Une opération de masse réussie par les organisateurs, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, c'est-à-dire l'APEL, une manifestation aussi à caractère politique. Plusieurs responsables de l'opposition ont en effet pris la parole hier, c'est notamment le cas du RPR. Pour Bernard Ponce, le secrétaire général du parti, si on touche à la liberté de l'enseignement, le RPR montera alors en première ligne. Nous nous flattons d'avoir parmi nous des hommes et des femmes qui se sont mobilisés pour aboutir à cette paix scolaire qui risque aujourd'hui d'être remise en question. Alors je tiens à le dire, s'il en était ainsi, le Rassemblement pour la République mobiliserait toutes ses forces pour être vraiment en première ligne. 15 jours plus tard, les défenseurs de l'école publique répondent par une démonstration de force encore plus spectaculaire. Ils sont impatients et veulent que la promesse du fameux grand service public unifié prenne forme. À l'occasion du centenaire de la loi sur l'école de Jules Ferry, un rassemblement impressionnant réunit au Bourget plus de 200 000 participants remontés à bloc. C'est la gauche qui rue dans les brancards et qui en vient même à secouer son premier ministre, Pierre Mauroy. Mais allons-nous maintenir telles quelles les formules actuelles qui associe au service public des établissements privés qui ne sont pas tenus d'en respecter toutes les obligations, la réponse est non. Allons-nous du jour au lendemain, de façon autoritaire, changer cette situation? La réponse est non. Il n'est pas dans nos intentions de résoudre ce problème dans la précipitation ou dans le dogmatisme, personne ne nous le demande. Si Pierre Mauroy ne veut pas être dogmatique sur la question, ce sont aussi ses racines qui parlent. Né d'un père instituteur, socialiste, très attaché à l'école publique, il est aussi le fils d'une mère catholique pratiquante. Au ministère de l'Éducation, Alain Savary fait le dos rond face à la pression des deux camps. Le ministre prend d'autant plus son temps que ses services, aussi bizarre que cela puisse paraître, manquent d'éléments chiffrés sur l'école privée. C'est même le vide abyssal. À part une étude d'une cinquantaine de pages sur l'enseignement catholique réalisée par l'inspection générale en 1980, les conseillers n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le ministre entame donc son marathon des consultations. Une cinquantaine d'organisations liées à l'enseignement privé défilent au ministère. Il veut voir tout le monde, le ministre, mais tout le monde ne veut pas le voir. Certains de ses interlocuteurs refusent de prendre un café avec un socialiste. On ne traite pas avec le choléra. Le 4 août 1982, le projet Savary est examiné en Conseil des ministres. Le camp de l'école privée refuse l'idée de l'intégration de ses maîtres dans la fonction publique. Mais rien n'est encore définitivement tranché. La consigne, plus que jamais, est de ne pas braquer les parents d'élèves du privé. Et même si les syndicats de gauche, comme la FEN, râlent, le ministre qui répond à un journaliste de la 2 veut, disons, se hâter lentement. Vous avez aussi vos ultras, monsieur le ministre, et la FEN ce matin se plaint de votre lenteur et de la non-application du programme du candidat Mitterrand. Alors, ce programme, il sera appliqué ou non ? Je voudrais d'abord dire que la FEN parle d'une impression de lenteur. Bon, les impressions peuvent se corriger. Le rythme dans ces affaires, je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas être hâtif. On ne bouscule pas un système aussi complexe dans sa dualité et son dualisme que le système français d'aujourd'hui. Et ce à quoi nous procédons, c'est justement de prendre les problèmes pour convaincre et non pas contraindre. C'est dans le droit fil des déclarations du président de la République. Bref, vous vous hâtez lentement. Je ne me hâte pas et je ne vais pas lentement. Je suis le rythme qui correspond aux nécessités de l'ampleur d'un tel problème. Prudence, prudence. Alain Savary est d'autant plus circonspect qu'il ne sait pas au fond ce que pense vraiment le sphinx Mitterrand. Le président se tient évidemment informé, mais il a laissé son ministre sans consigne. Une habitude chez lui. Combien de fois ses ministres se sont entendus dire « débrouillez-vous ». Les élections municipales de 1983 qui affaiblissent la gauche suspendent un temps la discussion. Et après 7 mois d'accalmie, la réforme de l'école privée refait surface comme un serpent de mer. Alain Savary publie de nouvelles propositions qui sont refusées des deux côtés. Le père Guiberteau, l'un des principaux négociateurs côté privé, exprime son désaccord sur la nouvelle mouture du projet. Deux points me semblent très importants. Nomination du chef d'établissement par l'autorité publique, titularisation des maîtres volontaires de l'enseignement privé. Là-dessus, vous ne céderez pas. Non, parce qu'il s'agit là, dans notre esprit et dans la réalité, d'une intention d'assimilation au service public. L'assimilation, l'absorption de l'école privée par l'école nationale, c'est la grande peur des défenseurs de l'enseignement catholique. Et cette peur vient de loin. On peut même dire que la République, depuis 200 ans, a toujours vécu avec, à côté d'elle, le spectre de la guerre scolaire. Le temps de la gueuse n'est pas si lointain. Si l'on veut remonter aux sources, c'est à la Révolution française, bien sûr, qu'il faut partir. La guerre scolaire naît avec les sans-culottes quand l'État revendique son droit à l'enseignement contre l'Église, dont Alexis de Tocqueville disait à juste titre qu'elle ne faisait que payer le prix de sa longue alliance avec l'absolutisme. Mais le camp catholique n'a pas dit son dernier mot. En 1850, sous la Seconde République, la loi Falloux fait un formidable cadeau à l'enseignement privé. Elle lui accorde le droit d'ouvrir des établissements dans le secondaire. Elle impose même à l'instituteur de donner un enseignement religieux et de remplir lui-même ses devoirs religieux. Mais Jules Ferry redressera le curseur d'une trentaine d'années plus tard. Avec sa fameuse loi sur l'école gratuite, obligatoire et laïque, il met les instituteurs au cœur de la République. Ces fameux hussards noirs ont toujours eu des défenseurs célèbres, comme Robert Debray, grand pédiatre, dont les enfants et petits-enfants ont fait carrière en politique. Et ce patriarche est né, c'est un clin d'œil de l'histoire, en 1882, l'année de la loi sur l'école de Jules Ferry. Il faut dire à ce moment-là, il faut tout de même une considération générale s'impose, c'est l'œuvre magnifique, scolaire, de la Troisième République. La Troisième République a établi la laïcité de l'État et a enlevé aux congrégations le soin de former la jeunesse. Et elle a pris ce soin pour elle. Et admirablement, dans chaque village de France, une petite école, ou même relativement grande, avec un instituteur, et un instituteur voué à sa tâche, passionné pour apprendre les éléments aux enfants des paysans du village. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 déchaîne les passions et fait reculer l'emprise de la religion sur la société. Mais elle ne terrasse pas, loin de là, l'enseignement privé qui continue à prospérer au cours du XXe siècle. Sous le régime de Vichy, le maréchal Pétain en fait même son protégé puisqu'il attribue à l'école catholique des subventions exceptionnelles. Droite, régime fasciste et antisémite de Vichy, Église catholique, compagnon de route, toujours. Mais la grande loi sur laquelle notre système est encore assis est votée en 1959. C'est la loi Debray, du nom du premier ministre du général de Gaulle, le fils de Robert, Michel Debray. Son texte propose un système de contrat, qui existe toujours d'ailleurs, entre l'État et les classes des écoles privées. Les enseignants de ce secteur sont payés par l'État, qui prend en charge une partie du fonctionnement de l'établissement. En contrepartie, le privé doit respecter les programmes de l'éducation nationale. Il doit aussi accueillir tous les élèves sans distinction d'opinion ni de religion. La loi Debray, qui finalement consacre l'équilibre entre public et privé, n'est pas acceptée facilement. Le camp laïque, furieux, lance alors une pétition pour abolir la loi. Elle recueille plus de 10 millions de signatures. Pour le député socialiste Francis Lénard, la pilule de la loi Debray, on est en 1959, a en effet du mal à passer. Parce que cette école, en donnant le même enseignement à tous les enfants, nous apparaît comme le creuset de l'unité nationale. Tandis que l'école privée, elle sépare l'enfant du catholique de l'enfant de l'israélite, du protestant, du musulman, du libre penseur, en lui donnant un enseignement particulier. Et en quelque sorte, elle a un effet de cloisonnement. Nos pères, au début de ce siècle, ont réussi à régler le problème en posant un grand principe qui est d'ailleurs extrêmement simple: à l'école publique, les fonds publics, à l'école privée, les fonds privés. Nous sommes très attachés, nos socialistes, à ce principe, et nous sommes absolument convaincus que donner des fonds publics à l'école privée, c'est l'encourager, la multiplier, et c'est autant qu'y retirer à l'école publique qui déjà n'en a pas assez. On voit bien que le statu quo est fragile et qu'un rien peut ranimer la guerre scolaire. Si bien que lorsque la loi Savary arrive en débat, les deux systèmes d'enseignement continuent à se regarder en chien de faïence. Le privé se taille une bonne part du gâteau, mais reste très nettement minoritaire. Plus de 80% des élèves vont dans le public, moins de 20% dans le privé, c'est-à-dire principalement dans l'enseignement catholique. Mais il suffit d'un rien pour qu'un projet de loi embrase l'édifice. Le feu de la guerre scolaire peut se ranimer à tout moment. C'est ce qui va arriver. Once or twice. des mois et des mois de négociations, le projet auquel aboutit Alain Savary au début de l'année 84 est complexe, sans doute trop. Il foisonne de détails techniques, il est donc difficile à expliquer à l'opinion publique. Le ministre de l'Éducation a pourtant bon espoir de gagner la bataille parlementaire qui va s'engager. Les principaux négociateurs du privé sont, semble-t-il, prêts au compromis. Pierre Daniel, le président de la puissante fédération des parents d'élèves du privé, lui appelle, et le père Guiberteau, en tant que secrétaire général de l'enseignement catholique, reste ouvert aux discussions à condition que trois principes fondamentaux pour eux soient préservés, autrement dit. Le libre choix des parents, le projet éducatif à référence chrétienne et l'autonomie interne de gestion. Alors que le débat s'engage au Parlement, le camp catholique fait monter la pression. Dans toute la France, il organise des manifestations de masse avec l'appui des associations de parents d'élèves, de l'Église et le soutien plus ou moins visible des partis de droite. Le 22 janvier, 60 000 manifestants se rassemblent à Bordeaux. Une semaine plus tard, ils sont plus de 100 000 à Lyon. Ils sont encore le double à Rennes et à Lille en février. Des rassemblements toujours plus importants, toujours très bien organisés. La défense de l'école privée, c'est le thème fédérateur, le point de convergence le plus mobilisateur de toutes les familles de la droite. À Versailles, le 4 mars, plus de 500 000 personnes convergent en quatre cortèges vers l'esplanade du château. Le pionnier de la télévision, Pierre Bellemare, qui manifestement ne souffre d'aucun complexe déontologique, chauffe l'ambiance à partir d'un podium géant de couleur bleue sur lequel est inscrit un seul mot, liberté. Beaucoup de Français manifestent pour la première fois. Bah d'abord, c'était impressionné par la foule, et puis par la bonne humeur et l'organisation, qui paraissait vraiment impeccable, parce que vu le nombre, et quand on voit maintenant les gens qui partent, tout ça, ça se déroule vraiment dans un calme parfait. Moi, je suis moi-même ancienne élève de l'école publique, mais j'ai des enfants dans les écoles privées, et je suis pour qu'on aille ensemble, et au-delà de cette bagarre qui me semble complètement dépassée. Je trouve que cette manifestation est un succès parce que ça s'est passé dans le calme le plus absolu et j'ai surtout été sensible au nombre de personnes qu'il y avait et à la présence de personnalités religieuses. Je trouve qu'elle était très bien organisée, qu'il est admirable de réunir 800 000 ou 1 million de personnes sans qu'il y ait le moindre incident. Et elle exprimait bien le sentiment général et la volonté de regrouper tous les Français, quelle que soit l'opinion politique, afin de défendre une liberté. Toutes les tendances politiques, c'est beaucoup dire. Certes, les organisateurs souhaitent garder officiellement un caractère apolitique. Ils ne donnent pas le micro aux représentants des partis. Mais la présence de Anémone Giscard d'Estaing, la femme de l'ex-président, par exemple, jusqu'à celle de Jean-Marie Le Pen, affiche clairement la couleur. C'est bien sur la rive droite de la pensée politique que chemine ce combat pour la défense de l'école privée. Au lendemain du rassemblement, le quotidien socialiste Le Matin, proche du gouvernement, préfère titrer sur l'intervention de Mgr Lustiger, un homme remarquable sur bien des points. L'archevêque de Paris a été acclamé par la foule après un discours mesuré faisant appel à la volonté de négociation de chacun. Cette énorme vague qui se soulève en faveur de l'école privée est traversée par différents courants. Il y a les modérés comme Pierre Daniel et les parents d'élèves de l'UNAPEL qui ont le soutien dans l'église de figures charismatiques comme Mgr Lustiger. Justement, ceux-là ne veulent pas attiser la guerre scolaire. Et puis il y a les intransigeants comme le père Guiberteau soutenu par nombre de politiques de droite très actifs, dont Nicole Fontaine, la future présidente du Parlement européen. Il y a enfin une minorité favorable à l'intégration du privé dans le public, mais celle-ci ne pèse pas très lourd dans la négociation. Elle est tout de même soutenue par un syndicat qui recueille 30% des voix aux élections professionnelles dans l'éducation. Comme une tragédie grecque, la scène fatale se déroule en un seul lieu, l'enceinte du Parlement. Et en une seule journée, celle du 22 mai 1984... La gauche, qui a planché en commission sur le projet de loi Savary, ne peut voter un texte qui accorde à ses yeux trop de satisfaction au privé. L'école publique, c'est un sujet central, primordial, consubstantiel pour la gauche dans cette assemblée, qui compte, de surcroît, 20% de profs. Les députés socialistes, emmenés par le très laïque André Léniel, font pression sur le gouvernement et obtiennent de Pierre Mauroy qu'il fasse voter deux amendements incendiaires pour le camp d'en face. Le premier limite la création d'écoles maternelles privées. Le second soumet le maintien des contrats entre l'État et chaque établissement privé, son intégration progressive à la fonction publique pour au moins la moitié des maîtres de l'établissement. Vous voyez, c'est un peu technique. L'amendement, et c'est là où il est perçu comme une déclaration de guerre, prévoit que les communes seraient dégagées de leur obligation de financer les écoles privées si cette intégration des maîtres n'avait pas lieu. Et là, ça devient plus clair. Alain Savary considère que son projet est dénaturé tout de même. Il est à deux doigts de la démission. Il se retient pour ne pas créer de clash politique alors que des élections européennes approchent. Mais il en a gros sur le cœur. Et c'est donc Pierre Mauroy lui-même, en tant que chef du gouvernement, qui monte au créneau pour défendre les amendements de ses députés déjà frondeurs. Mauroy engage sur le texte la responsabilité de son gouvernement. Ce 22 mai est décidément décisif, puisque François Mitterrand, en visite ce jour-là à Angers, est conspué par plusieurs milliers de manifestants qui lui ont réservé un comité d'accueil très spécial. Mitterrand fout le camp, l'école libre vivra. Déjà en 1981, on a eu droit à la menace brandie par la droite de l'arrivée des chars russes à Paris. Là, on n'est pas loin d'agiter le chiffon rouge de la dictature de la gauche sur l'école. Face à ces fantasmes, le président Mitterrand déclare bien haut qu'il n'est pas question de revenir sur le projet de loi et qu'aucune pression ne fera reculer l'État. Deux jours plus tard, la motion de censure de l'opposition est repoussée. Le projet de loi est donc adopté par l'Assemblée nationale. La guerre est déclarée. Interviewé par Patricia Charnelet dans le journal de la 2, le député André Léniel apparaît comme le porte-drapeau d'une laïcité qui n'entend pas céder. Monsieur Léniel, dans les milieux catholiques, certains considèrent que vous êtes le diable. Alors est-ce que votre souhait, au fond, n'est pas finalement la disparition totale ou l'intégration de l'enseignement privé ? Écoutez, si je suis le diable, c'est comme Brassens, un bon petit diable à la fleur de l'âge. Mais sur le fond, non, nous ne voulons toucher à aucune liberté. La liberté d'enseignement n'est pas en cause. Ni la liberté de créer des établissements privés, ni la liberté pour les parents de choisir l'établissement dans lequel ils mettent leurs enfants. Mais vous ne voulez pas que ces établissements privés soient financés par l'État ou par les communes, finalement, si, c'est ça. Si, si, mais nous voulons qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour que ce financement soit légitime. Nous voulons que ces établissements concourent au service public de l'éducation nationale. Et nous disons, pour qu'ils concourent au service public de l'éducation nationale, il faut qu'ils aient, bien entendu, un certain nombre de conditions à remplir. La qualité des maîtres, la qualité des locaux. Scandaleux, lâche le père Guiberteau, qui trouve en Léniel un adversaire intraitable. Les durs de l'école privée se considèrent maintenant déliés d'un projet Savary qu'ils avaient accepté comme on avale une couleuvre. Guiberteau et les politiques du mouvement ont beau jeu de repartir à l'attaque contre une titularisation des maîtres du privé qu'ils n'ont au fond de même jamais acceptée. Le fragile équilibre du projet est rompu. Désormais, la grande manifestation nationale est inévitable. Bordeaux, Lyon, Rennes, Lille et Versailles n'ont été finalement que des tours de chauffe. Un mois plus tard, la manifestation historique du dimanche 24 juin 1984 crucifie le projet de loi Savary, place de la Bastille, symbole cruel pour la gauche. Place de la Bastille, aux armes citoyens de droite et catholiques militants, aux larmes républicains laïques, défenseurs de l'école publique, la couleuvre qu'ils vont avaler sera énorme, cruelle. Après cette énorme démonstration de force de l'école privée, Alain Savary pense quand même pouvoir se redresser et rassembler ses forces. Mais les positions des deux camps sont désormais trop éloignées. Même des leaders relativement modérés de l'école publique, comme Michel Bouchareras, le secrétaire général du CNAL, le Comité National d'Action Laïque, ne peuvent plus tenir leur base. Le 14 juillet, comme à son habitude, François Mitterrand donne une interview télévisée dans les jardins de l'Élysée. Au détour d'un discours alambiqué évoquant une modification de la Constitution pour favoriser le référendum, il enterre le projet Savary, en le disant, sans vraiment le dire, avec suprême perfidie, un hommage au ministre de l'Éducation qui, insiste le président, a fait du bon travail. Alain Savary et Pierre Mauroy n'en reviennent pas. Ils n'ont pas été prévenus et apprennent la nouvelle, comme tout le monde, en direct, à la télévision. Ainsi en a décidé le monarque républicain, seul, porté par sa conscience, qui n'a de conseil ou d'avis à demander à personne. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la guerre scolaire en 1984, notre invité c'est Thierry Pfister qui a rejoint l'équipe de Pierre Mauroy à Matignon en 1981 comme conseiller du Premier ministre. Évidemment, à ce poste-là, il était aux premières loges. Que reste-t-il comme marge de manœuvre au chef du gouvernement et à son ministre de l'Éducation ? Rien. Ou bien la démission, ce qui revient au même. Ce qu'ils font quatre jours plus tard, ils rendent leur tablier, la guerre scolaire a eu raison du gouvernement. Et c'est un jeune homme qui s'installe à Matignon, Laurent Fabius, jusque-là ministre du Budget. À 38 ans, il devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République. À l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement succède à Alain Savary. Sa mission consiste à éteindre l'incendie. Il le fait par des mesures simples et pratiques, comme il dit. À peine installé, il ne se gêne pas pour trucider l'ancienne promesse présidentielle du grand service public unifié et laïque. Le ministre s'en expliquera dans un livre d'entretien. Fondamentalement, à partir du moment où on tire toutes les conséquences de l'idée de service public et d'association au service public, je pense qu'on pouvait s'appuyer sur la loi de 59 pour en tirer toutes les conséquences. C'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire la loi Debré. C'est-à-dire la loi Debré, mais il fallait en tirer tous les fils. Alors que l'idée de grand service public unifié laïque de l'éducation nationale était une idée, à mon sens, mais c'est l'explication que je donne dans mon livre, une idée ambiguë. Parce qu'elle réunissait sur un faux consensus et en fait sur un malentendu des gens qui restaient partisans de la nationalisation laïque, qui voulaient que les écoles privées deviennent des écoles laïques au fond, et puis d'autres qui pensaient qu'il fallait gommer les différences entre le public et le privé, entre la laïcité et la religion, et qu'on pouvait faire une sorte de système non pas mixte, mais dans lequel chaque établissement pourrait avoir son projet éducatif particulier. Mission accomplie, la guerre scolaire est apaisée. Retour à la case départ avec cette bonne vieille loi Debré qui sert encore et toujours de référence. La morale de l'histoire, c'est qu'un compromis technique et complexe tel qu'Alain Savary l'avait envisagé n'a pas résisté au démon de la guerre scolaire. La politique a repris ses droits. La querelle de l'école touche à des valeurs si enracinées dans la société qu'il est difficile de s'y frotter. Et puis, les Français ont peut-être finalement accepté cet équilibre, ce système à deux entrées, public et privé, qui sonne comme un armistice. Malheur à celui qui le rompt. La preuve. En 1993, François Bayrou essaie de réviser la loi Fallou en accordant des faveurs supplémentaires à l'enseignement privé. 10 ans après le projet Savary, c'est la guerre qui reprend, et cette fois c'est la gauche qui défile. 1 million de personnes dans la rue. Et qui trouve-t-on en tête de cortège parmi les leaders socialistes ? Pierre Mauroy, comme un parfum de revanche pour une bataille qui n'a finalement jamais cessé. La guerre scolaire, en résumé, qui s'y frotte s'y pique. Bonjour Thierry Pfister. Bonjour. Alors, je rappelle que vous avez été journaliste au Monde dans les années 70, puis chef du service politique au Nouvel Observateur, et ensuite vous êtes arrivé à Matignon auprès de Pierre Monroy. Vous avez raconté votre expérience, parfois désabusée, l'expérience du pouvoir, dans un livre intitulé « La vie quotidienne à Matignon au temps de l'Union de la Gauche » qui est paru en 1985 chez Hachette. Hein. Alors, comment vous l'avez vécu, vous, cette guerre scolaire depuis Matignon? Qu'est-ce qu'on ressentait dans les sphères du pouvoir autour de cette loi qui était emblématique des valeurs de la gauche et qui s'est heurtée au peuple de droite, on peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça, mais vous savez, la politique, c'est un gigantesque souk où se mêlent à la fois des grands principes, des petits intérêts, l'avenir du pays, des pesanteurs sociologiques, administratives, des ambitions personnelles et des calculs partisans. Et si vous voulez analyser, comme vous venez de le faire, la loi Savary et ce débat sur l'école, il faut prendre en compte une défaite économique qui est celle de la rigueur, qui se trouve sanctionnée aussi en partie par les élections municipales de 83. Ce qui était aussi dans le projet Savary initial, qui correspondait tout à fait à l'analyse de Pierre Monroy, une tentative pour faire bouger ce que Claude Allègre appellera par la suite le mammouth, c'est-à-dire l'éducation nationale. Ah, très bien, mais est-ce que vous avez eu conscience, tel que vous nous l'expliquez là, c'est un montage effectivement très compliqué, est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, bon ben, ça va passer, ou oulala, c'est compliqué, ça peut être dangereux, est-ce que vous avez vu les choses venir? C'est un sacré pari au départ quand même. Hein dangereux, on le savait. Oui, on savait qu'on jouait avec un baril de poudre. En même temps, il faut comprendre que depuis les années 70, le Parti socialiste s'est développé sur des terres qui sont les terres de la démocratie chrétienne, dans le Nord, mais aussi dans l'Ouest, de la Bretagne et tout ça. Donc, il y avait un rapprochement. Et si vous prenez l'exemple du maire de Lille, le maire de Lille a toujours considéré qu'il devait son poste de premier magistrat à la fois au soutien de l'archevêque ou de l'évêché et de la franc-maçonnerie. Donc, cette ligne de crête, elle est congénitale à la fois au Pierre Monroy, maire de Lille, président de la région Nord-Pas-de-Calais, et au développement jusqu'à la conquête du pouvoir du Parti socialiste après la mort de la SFIO. Et à cela, il faut ajouter aussi les racines familiales et sociales, j'en ai parlé un peu, hein, à la fois de Pierre Monroy et à la fois de François Mitterrand, qui sont issus de familles à l'idée laïque profonde, mais aussi avec des racines chrétiennes. Oui, mais... Ça joue ou pas? Bien sûr que ça joue, notamment dans le cas de François Mitterrand, puisque toute une partie de sa famille, et notamment dans sa belle famille, ont fait une campagne auprès de lui pour qu'il laisse tomber le projet dit Savary, le projet de loi Savary. Quant à Pierre Monroy, il avait fait l'effort, y compris d'aller voir le pape, et de négocier avec l'épiscopat. Il faut bien voir qu'au départ, on pense pouvoir tenter l'opération parce que, même s'ils sont pas enthousiastes, il y a toute une partie de l'épiscopat qui est d'accord. Quand on voit les premières mobilisations et que Pierre Monroy et François Mitterrand en discutent, François Mitterrand, comme souvent, pousse son Premier ministre en lui disant « Allez jusqu'au bout, n'hésitez pas. Finalement, la droite cherche l'affrontement institutionnel. Pasqua, en fait, et le RPR veulent bloquer au niveau de la discussion sénatoriale. Dans ce cas-là, moi, je suis garant des institutions et j'interviendrai. » Vous voyez qu'on est à la fois sur la loi scolaire et on est à la fois sur un affrontement institutionnel droite-gauche, y compris dans les structures parlementaires et de la République. Puisque vous étiez aux côtés de Pierre Monroy, moi j'aimerais juste avoir votre témoignage sur l'ambiance qui régnait à Matignon pendant ces jours, qui étaient des jours difficiles, politiquement tendus. On était dans le combatif, dans l'affliction, dans le pessimisme. C'était quoi l'ambiance? L'ambiance de Matignon est une ambiance qui tient à la nature même de Matignon. Quand un dossier est positif et valorisant, il est pris en charge par l'Élysée. Quand un dossier est normal, il est géré par les ministères. Matignon ne gère que les ennuis. Et si vous me permettez ce vocabulaire trivial, les merdes. Ouais, c'est bouclier, c'est le fameux bouclier. C'est la règle de la Ve République. Ben oui, mais au bout de 3 ans, on s'y est fait. Le problème, c'est que en politique, vos adversaires politiques ne sont pas les plus dangereux. Les vrais rivaux, ils sont à côté de vous, ils sont dans votre parti. Et de la même manière qu'en 1982, quand Mauroy impose la rigueur avec le blocage des prix et des revenus, rigueur qui ne deviendra officielle qu'après 83, mais qui naît à l'été 82, il subit l'offensive de Bérégovoy, Fabius et compagnie, qui se disent, tiens, on va proposer à Mitterrand un lapin qui va sortir de son chapeau et comme ça, on prendra Matignon. Et là, vous retrouvez le même jeu. Parce que derrière Léniel, qui y a-t-il? Et qui explique les amendements Léniel et qui explique que Mauroy était obligé de prendre en charge les amendements Léniel? Vous avez Mermaz, président de l'Assemblée nationale, Pierre Joxe, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'est le carré des fidèles de Mitterrand qui n'ont jamais admis en fait que Mauroy soit Premier ministre et qui se disent, tiens, c'est l'occasion enfin d'avoir sa peau. Ça me rappelle ce que disait Georges Pompidou à ses conseillers, occupez-vous de vos ennemis, je m'occupe de mes amis. C'est... L'essentiel est le danger, il est là, souvent dans le... Exactement, mais c'est malheureusement souvent comme ça, vous savez. Bah oui. Demandez à Jean-Marie Le Pen en ce moment. Bon, alors, pour sortir de cette affaire, alors évidemment, c'est quand même une défaite pour la gauche. François Mitterrand nous sort un truc incroyable, un projet sur le référendum pour élargir le champ d'application du référendum. C'est un truc... toujours la technique du lapin, le lapin qu'on sort du chapeau. L'idée du référendum sur les référendums, puisque la droite et le camp de l'enseignement dit libre, l'enseignement privé, voulaient un référendum sur l'école, que ce référendum sur l'école n'était pas institutionnellement possible, eh bien on allait faire un référendum le rendant possible, c'est-à-dire ouvrant le champ du référendum. Absolument. C'est un peu compliqué, mais bon. Et c'est ce que François Mitterrand tente de vendre à Pierre Mauroy, et Mauroy a du mal à l'avaler quand même. Il lui pose la question, oui, mais que devient la loi? Parce que moi, je me suis engagé sur cette loi scolaire. Que devient la loi scolaire? Que devient la loi Savary? Et Mitterrand fait une réponse à la Mitterrand, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement. Et pendant la Garden Party, effectivement, Mitterrand parle avec Mourouzi et Mazur pour son interview habituelle. Mitterrand répond, cette loi dite Savary disparaît dès lors que le processus référendaire est engagé. Mais Mauroy, il est dans la Garden Party, il n'entend pas. Il n'aura le résultat des propos présidentiels qu'en revenant à Matignon. Et cette phrase est inacceptable pour Pierre Mauroy parce que, à partir du moment où il a pris l'engagement au nom du gouvernement et qu'il a fait voter ce texte par l'Assemblée nationale, on lui retire le tapis sous les pieds. Il y a à ce moment-là deux camps. Il y a ceux qui se disent « Ah, Mitterrand est quand même génial, il a tiré un lapin de son chapeau, on va continuer à... » Et puis, il y a ceux qui disent « Non, c'est pas possible de continuer dans ces conditions. » Donc, le dimanche, Pierre Mauroy et moi, on passe de longues heures ensemble à marcher dans le parc de Matignon, à réfléchir à tout ça, à peser le pour, le contre. Mauroy envoie une longue lettre à Mitterrand, qui est à Latch. Donc, Jean-Louis Bianco, qui était secrétaire général de l'Élysée, fait porter à Latch, dans la bergerie de Mitterrand, avec les parapheurs à signer. Il ne donne pas sa démission telle quelle, si vous voulez, mais il explique au président, puisque vous voulez faire cette relance, vous me dites, le mieux, c'est que vous fassiez le référendum, comme ça, après, on va le gagner et vous partirez sur un succès, et pour votre avenir politique, c'est mieux. Et moi, je vous réponds, monsieur le président, il faut que vous ayez les mains libres. Moi, je ne peux pas revenir en arrière, puisque je me suis engagé. Si vous voulez avoir les mains libres, il faut que je me retire. Voilà. Au profit, justement, d'un proche hein, de François Mitterrand, de la garde rapprochée, Laurent Fabius. Absolument. Donc, fin de l'histoire, à la fois fin de l'histoire du projet, fin de l'histoire politique et du casting, du premier casting du gouvernement de la gauche. Fin aussi d'une certaine union de la gauche, parce que d'une certaine idée de la gauche, parce que après ça, les communistes vont partir. C'est quand même tout un pan de l'histoire de la gauche qui s'achève là. Hey, la fauchonne comme du moulout, lavabo, trottoir, moulout, merde in France. Caca boum, caca boum. Hey, la fauchonne comme du caca boum, caca boum. Is a book, is a nah, is a trip, a book, a nah, merde in France. Caca boum, caca boum. Hey, watching Utah, frau, clair ou blout, canapé, bidet, et à coudre, merde in France. Caca boum, caca boum. Hey, watching Utah, frau, clair, caca boum, caca boum. Watch me again, même triple again, merde in France. Caca boum, caca boum. Fashion comme du caca-boum, caca-boum. Is a booker, is a na, is a trip, a booker, na, merde in France. Caca-boum, caca-boum. Et Gaspard, ouais, Pierre Soc inclus, baby, slip, dortoir, Limouges, merde in France. Caca-boum, caca-boum. Et Gaspard, ouais, Pierre Soc inclus, caca-boum, caca-boum. Au Mickey, au Pomon, Lampadaire et Payasso, merde in France. Caca-boum, caca-boum. He's a booker, he's a nah, he's a triple booker, nah, merde in France. Caca boum, caca boum. Cigare. Hey, you speak by ciao, baby, bye bye. Baby, sleep, dortoir, limaille, merde in France. Caca boum, caca boum. Hey, masque à gaz, ciao, bye bye. Caca boum, caca boum. He's a booker, he's a nah, he's a triple booker, nah, merde in France. Caca boum, caca boum. Caca-boum, caca-boum. La fauchonne comme du caca-boum, caca-boum. La fauchonne comme du caca-boum, caca-boum. La fauchonne comme du caca-boum, caca-boum. La fauchonne comme du caca-boum, caca-boum. He's a booker, he's a nah, he's a triple booker nah. Thierry Pfister, en 1984, on écoutait, entre autres, Jacques Dutronc et sa chanson provocatrice intitulée « Merde in France ». 9 ans plus tard, là je reviens à la guerre scolaire, François Bayrou essaie de réviser la loi Fallou en accordant des faveurs supplémentaires à l'enseignement privé. Nous sommes sous un gouvernement de droite, celui de la deuxième cohabitation et de Balladur en l'occurrence. Devenu ministre de l'Éducation, François Bayrou annonce en juillet 93 sa volonté donc de revoir cette loi Fallou et François Mitterrand lui essaie de bloquer le projet. Alors on va l'écouter, on commentera ensuite. Quand, comme c'est le cas de la révision de la loi Fallou, qui date de 1850, on me dit, il y a une extrême urgence. Je me dis, voyons, ça fait exactement 143 ans qu'elle attend cette loi. Elle ne peut pas attendre le mois d'octobre, et je le dis. Alors je retire le projet de loi Fallou, pas simplement pour une raison de simple bon sens, mais aussi parce que je pense que c'est un débat de fond extrêmement important qui touche à la conscience des Français, qui peut réveiller une guerre scolaire que j'ai voulu faire cesser, qui est toujours sous-jacente dans la société française depuis très longtemps, et qui mérite donc une grande réflexion. Se précipiter dans une session extraordinaire, ça m'a paru anormal et j'ai dit non. Voilà. Qu'en pensez-vous, Thierry Pfister ? C'est saisissant d'entendre le même François Mitterrand 9 ans après. C'est tout à fait saisissant, mais c'est vous savez, Mitterrand, aimait souvent dire que son nom de famille venait de Mitier, qui est une mesure de grain, mais pour d'autres généalogiques, il y a une origine grecque qui serait métisse et qui veut dire prudence et ruse. Dernière question, Thierry Pfister, en forme de morale peut-être. Le renoncement de ce projet de loi en 84 est-elle ou vous apparaît-elle comme une matrice de la tendance naturelle des socialistes au renoncement des idées de gauche dont le gouvernement d'aujourd'hui offre peut-être l'aspect le plus abouti, on va dire? Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, puisque effectivement ce projet, avec ses ambiguïtés partisanes, tactiques, mais sur le fond, essayer de... Comme la loi de 1905, la loi de 1905 a provoqué une véritable révolution dans le pays, et la droite et l'Église se sont sentis dépossédés. Mais si la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État n'existait pas, la plupart des bâtiments religieux tomberaient en ruine aujourd'hui dans notre pays. Donc, il y avait une volonté d'équilibre, et cette volonté d'équilibre, ce chemin de crête, cette marche sur le fil du rasoir, prenez toutes les images que vous voulez, est rendu extrêmement complexe et presque impossible dans un pays comme le nôtre qui n'est pas habitué au compromis et à la négociation par les surenchères des deux camps. La surenchère, vous l'avez cité, du père Guy Berthaud, mais aussi de Charles Pasqua et du groupe RPR du Sénat, et des laïcars qui poursuivaient d'autres objectifs à travers une surenchère et qui rend très difficile le compromis. Voilà. Et c'est toute la difficulté d'une gauche de gouvernement. Une gauche de gouvernement, elle est condamnée à passer des compromis. Or, la politique française, la sociologie française est l'inverse de ça. Thierry Pfister, dernière question, un peu plus personnelle. Vous étiez journaliste, moi je me souviens avoir lu vos articles, notamment dans le Nouvel Obs, et vous êtes allé dans la politique active. Hein. Enfin, qu'est-ce que vous tirez de cette expérience-là? Est-ce que vous vous dites, tiens, si c'était à refaire, je le referais pas, ou le contraire? Il y a une frustration dans le journalisme politique, c'est-à-dire que le journalisme politique, c'est recréer une cohérence a posteriori, en rassemblant des éléments et sans savoir si l'histoire qu'on raconte et qu'on bâtit est l'histoire réelle. Et donc, il y a un moment où on a envie de passer de l'autre côté du miroir et bon, il se trouve que mon roi m'a proposé, j'ai accepté et je ne le regrette absolument pas. Et ce que j'ai découvert, c'est que, effectivement, la cohérence que nous mettons ou que vous mettez maintenant, puisque je ne suis plus journaliste, que vous mettez, vous journalistes, à tous ces événements, et j'en reviens à mon point de départ, est assez éloigné de la réalité humaine de ce qu'est la gestion au jour le jour de la politique, qui n'est qu'un gigantesque souk, où quand vous rendez des arbitrages, vous les rendez au nom d'un intérêt supérieur, mais aussi parce que vous devez respecter des équilibres et parce que vous avez rendu un arbitrage A contre B un jour, le lendemain, vous allez dire « je peux pas refaire A contre B, alors je vais faire B contre A », et voilà. Et ça explique aussi bien des aléas de notre vie politique et bien des impasses, malheureusement. Il me reste à vous remercier, Thierry Pfister, pour avoir témoigner et nous avoir livré vos souvenirs donc de cette époque dite de la guerre scolaire en 1984. Merci, au revoir. Au revoir, merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la guerre scolaire de 1984, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le tournage apocalyptique des films Aguirre ou La Colère de Dieu et de Fitzcarraldo.